Il écoute des heures durant battre le cœur de ses patients. C'est un médecin de campagne. Cette femme si belle et si pâle qui dit qu'elle ne souffre pas. De quoi ne souffre-t-elle pas? Cet homme qui tremble et hésite. Je ne bois plus rien, vous savez. Lui aussi ment tellement mal. Lui aussi ment tellement mal. Il mange dans un vieux bistrot. Il respire un court instant. Puis il passe voir Jocelyn. À Nonaville, il va bien. Son chien vieillit, il fatigue. Nicole a beaucoup maigri. Il prend des chemins de terre. Il les a vus tous ou presque. Naître ou mourir, tous ou presque. Naître ou mourir, tous ou presque. Ce mardi-là, il va accoucher chez elle, Maria. Tous ses jours, ses nuits à courir. Ses heures difficiles et grises se sont enfuies au premier cri, aux pleurs de ce nouveau-né. Ses pleurs, ses cris de bébé. Qui donne un sens à toute sa vie, c'est un médecin de campagne. C'est un médecin de campagne. De campagne. C'est un médecin de campagne.